sight or feel a new sensation. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour la même raison que les autres. Dans la forêt de sons qui nous entoure, nous rencontrons parfois des créatures légères, sylphides, à la voix ensorceleuse et légère. Ce sont les baladeuses, des baladeuses aujourd'hui un peu velues, poilues. Ce ne sont pas des lapins, non, ce sont bien les baladeuses. Et le thème de ce mois-ci, c'est au poil. On va étudier le poil sous toutes ses coutures. On va voir un peu ce qu'il y a dans le poil. Un nom masculin, pale, en 1080. Il est issu du latin pilus, poil et cheveux. Le premier sens étant le plus fréquent, pilus, est distinct de capilus, cheveux, qui est plutôt un collectif, alors que pilus désigne un poil, un cheveu isolé. Son origine est obscure, il n'y a pas de nom indo-européen pour cette notion. L'italien pela et l'espagnol pello remontent au latin. Dès les premiers textes, le mot s'emploie collectivement au singulier pour l'ensemble des poils humains. Sens dont procèdent les emplois particuliers aujourd'hui vieillis de barbe et des chevelures. Par analogie, poil désigne cette production chez l'animal et le pelage, par exemple, d'un cheval en 1170. Le sens particulier du latin, chaque petit filament apparaissant sur la peau de l'homme, de l'animal, existe avant la fin du XIIe siècle. De même que le sens métonymique de peau d'animal garni de poils utilisés dans l'habillement. Généralement réalisé là où fourrure ne convient pas. Poil au doigt. La productivité du mot en expression figurée s'étend sur plusieurs siècles. Mais de nombreuses locutions sont sorties d'usage. En contre-poil, au XIIe siècle, a été évincé par à rebrousse-poil, à tout le poil, avec tout le poil. Signifiait avec force. L'abondance du poil étant considérée comme un signe de force physique. Puis, un brave à trois poils, 1659, Molière, n'est dit d'un homme courageux. On a parlé de bougre à poil, homme déterminé. On a dit familièrement avoir du poil au cœur, en 1836, avec la même notion de courage. Puis, poil aux yeux, 1842, aux fesses, au cul, etc. L'essai du poil, au XVIe siècle, a été remplacé par des plumes. Changer de poil, changer d'attitude, de caractère au XVIe, signifie de nos jours changer d'apparence. Il est à rapprocher de être de bon ou de mauvais poil, 1833. Usuel, poil, étant pris ici avec la valeur métonymique de tempérament. Un mauvais poil à Genève désigne un garnement. L'expression de tout poil, 1671 La Fontaine, correspond à de tout genre. Puis sont apparues les locutions avoir un poil dans la main, être paresseux, 1808, et être à poil, tout nu, 1858, pour laquelle on invoque l'expression synonyme accru, d'après monter un cheval à poil, mais qui est peut-être sans rapport avec l'équitation. Au poil, très bien, début du XXe siècle se comprend partant de l'idée de petites dimensions impliquant celle de précision, ce que semble indiquer son emploi en aviation dans « Atterrir au poil » 1918, plutôt que celle de supériorité. En effet, l'ancienne locution « avoir le poil de quelqu'un », le surpasser n'étant plus en usage quand « au poil » est apparu. Enfin, reprendre du poil de la bête au XVIIe, d'abord prendre du poil a suscité de par son obscurité de nombreuses interprétations. La plus vraisemblable part de la croyance populaire très ancienne déjà mentionnée par Pline, selon laquelle le poil d'un animal ayant mordu, appliqué sur la blessure, la guérirait. Cette explication rend compte de la locution italienne « del cane che morde il pelo sane » du chien qui mord, le poil guérit, et de l'anglais « to take a hair of the same dog that bit you ». Prendre un poil du chien qui vous a mordu. Un beau jour que j'allais aller à l'école, Une idée bizarre me suivait comme un pot de colle. Elle s'accrochait à moi, à mes chaussettes, comme un poisson pilote à sa roussette. Je lui dis va-t'en, j'ai pas le temps, il faut que je décolle. Mais elle ne m'écoutait pas, elle était un peu folle. Elle attendait de moi que je m'arrête pour grimper de mes pieds jusqu'à ma tête. Elle avait de petits bras et plein de poils pour gratter, et de très grands yeux tout ronds où l'on peut se regarder. Elle m'a tant étanchatouillé le menton que je me suis cogné le front. C'est alors que plein d'idées poilues sont sorties de ma tête, faisant la ronde et chantant à tue-tête. Nous on veut pas aller à l'école, on préfère voyager, prendre notre envol. Se chauffait d'un tout autre bois. Stop la farandole dans un claquement de doigts. Puis elle dit, mes amis, écoutez-moi, je vous en prie, ouvrez les yeux, faites comme moi. Les idées poilues ont ouvert de grands yeux tout ronds, et vu qu'autour d'elle il y avait plus de 1000 façons de vivre et de parler chez les filles et les garçons de mon école, près de ma maison. Ce jour-là, j'ai beaucoup voyagé, grâce à mes copains de l'école et de mon quartier. Et plus tard, quand je serai grand, je saurai voyager dans le cœur des gens. Juliette, tu peux meubler s'il te plaît là pendant que j'essaie de retrouver le générique, j'arrive pas à le faire marcher. Tu peux s'il te plaît. Mais Sophia, fais attention, le micro est ouvert. Comment veux-tu que je meuble? Je sais pas moi, j'en ai pas pour longtemps. T'as pas un texte à lire là? Mais j'ai pas préparé. Ah, j'ai peut-être ça, un poème en gaélique. Attends. Ah bah alors. On peut pas s'arrêter là, regardez, c'est joli. Pause. On peut pas faire une pause là. Attendez-moi. Regardez, ça a l'air joli. Attendez, Voilà, j'ai trouvé. T'as vu, ça marche. De l'eau là. Oh, on peut pas s'arrêter. Tu m'as coupé. Oui. Oui, non, mais pardon, mais j'ai retrouvé le générique, il est parti tout seul. Mais bon, comme c'est la pause, j'ai préféré pas trop attendre. Voilà. D'accord. Du coup, comme c'est la pause, j'aimerais vous proposer un jeu radiophonique. Mais Sophia, le thème des jeux radiophoniques, c'était au mois de mai de l'année dernière. C'est vrai? Maintenant j'ai fini de les préparer pile poil au poil. Et du coup mon poème. Si ça t'ennuie pas, on le fera le mois prochain. Hein, il sera prêt en avance comme ça. Tiens, prends plutôt ta partie du texte là. Voilà. C'est toi qui commence, je crois. Non, c'est toi. Regarde, ouais. Là c'est écrit Sophia. C'est ça le problème. J'ai changé quelque chose. Comment ça se fait? Ah bah j'ai pas dû te donner la bonne page. Attends, je la retrouve. Non, pas celle-ci. C'est... Ah voilà, voilà, tiens. C'est toujours toi qui commences. Ah oui, bon, j'y vais. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre grand jeu des baladeuses sur Radio Dio 89.5. Comme vous le savez maintenant depuis longtemps, ce jeu qui fait tourner vos méninges allie culture et divertissement puisqu'il s'agit de deviner le titre d'un roman en écoutant un petit dialogue sur le thème de notre émission d'aujourd'hui, le poil. Petit dialogue que Juliette et moi aurons l'honneur de vous interpréter. N'est-ce pas, Juliette ? Tout à fait, Sophia. Tout au long de l'émission, il faudra trouver non pas un, non pas deux, mais trois titres de romans. Pour participer, c'est très simple. Mais tout cela, vous le savez déjà, vous en avez l'habitude, chers auditorices, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à nous suivre chaque semaine, de ville en ville, sur le 895 Radio Dio, depuis de nombreuses années déjà. Je te signale que les baladeuses, c'est une fois par mois. Hein, oui, je sais bien, mais là, le jeu a commencé, je te signale. Donc, et en fait, je fais une référence très subtile à un vieux film de 86 avec Juniau et Rochefort qui font une émission de radio en voiture dans toute la France. Voilà. T'aurais pu me prévenir que le jeu commençait, j'aurais pu... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je pense que ce film de Lecomte, là, je ne sais pas pourquoi j'y pense, peut-être parce qu'on y voit Juniau sans sa barbe, je crois. Si ce n'est pas un indice, pourquoi tu me coupes ? Alors, mais si, c'est un indice un peu tiré par les cheveux, j'avoue, mais comme à peu près tous les indices qu'il va y avoir dans ce jeu. Pourquoi tu n'arrêtes pas de me couper la parole ? Mais je ne te coupe pas la parole. Bah si, depuis le début du jeu. Je ne te coupe pas la parole, puisque c'est écrit dans le texte que tu arrêtes de parler. Hein ? Alors, je te comprends pas, Juliette. Depuis ce matin, on dirait que tu m'es hostile ou que tu veux me faire des blagues, là. Déjà, la réflexion là, que tu as faite sur ma couleur. Ah, oh, voilà que tu remets ça avec cette histoire de couleur. Je t'ai toujours vue blonde, Sophia. Tu es blonde, tu l'as toujours été. Personne ne t'a jamais vue autrement. Mais c'est ça le problème. J'ai changé quelque chose sur moi ce matin et personne ne l'a remarqué. Est-ce que j'ai toujours été blonde ? Est-ce que j'ai même des cheveux ? Je commence à douter de ma propre tête. Hein. Je ne sais pas ce que tu faisais dans la salle de bain avec ça, mais tu es blonde, Sophia. Définitivement blonde. On verra bien après l'émission. Hein. Je suis sûr d'avoir des photos de moi en brune dans les cartons du garage. On verra bien qui c'est qui a raison. Voilà, nous n'en dirons pas plus. C'est la fin de cette première épreuve. On se retrouve pour la seconde énigme après une page de publicité. Bienvenue dans le tri de serre. Sophia, t'as perdu quelque chose là? Regarde, il y a un petit sachet par terre là, c'est quoi? Oh, ma poudre d'iris, je l'ai laissé tomber dessous mes bras. Pardon, excuse-moi. Ah, je vais la remettre, attends. Ah oui, c'est la poudre d'iris pour sentir bon sous les aisselles. Ah oui, c'est vrai. J'oubliais. 1913, conseil de beauté pour duvet indésirable. Les duvets abondants sur les bras nuisent à sa beauté et en détruisent le charme. On a essayé beaucoup de procédés pour détruire ces poils fâcheux qui réapparaissent sans cesse, plus longs et plus disgracieux. Cet inconvénient est d'autant plus grand pour les brunes que les poils sombres sont plus apparents. Dans ce cas, si l'on ne peut supprimer complètement les poils, on peut du moins les décolorer. Les savons à base d'arsenic sont tous très dangereux. Préférez-leur les savons à base de sulfate de chaux. Collection Femina Bibliothèque, pour être belle, 1913. Un voyageur français découvre les rituels des femmes turques. Hygiène de la beauté, 1846, Debay. Elles jetèrent du miel dans une bassine d'eau bouillante et quand il commença à se condenser, elles le retirèrent, le pétrirent dans leurs mains et en formèrent de larges plaques semblables aux feuilles de pâte qu'amincit le rouleau du pâtissier. Ces plaques de miel appliquées sur le visage et retirées brusquement au bout de quelques minutes en arrachaient tous les follets. Elles s'épilèrent ainsi le visage, le cou, la poitrine, les épaules et les bras. Pour éteindre l'irritation produite par la violente avulsion des follets, elles oignirent ces parties de beurre de cacao. Lorsque cette espèce de liniment eut rafraîchi la peau, chaque baigneuse passa successivement sous un robinet d'eau tiède et se lava à grande eau. Cette épilation et ces onctions donnent à l'épiderme un tel poli, un satinage si velouté que la peau d'une jeune femme turque sortant du bain ressemble à ces blanches lames d'ivoire préparées pour la miniature. Eh bien, merci pour ces petits conseils de beauté. Et en parlant de beauté du poil, saviez-vous que le cheveu, c'est un poil. Et un poil, c'est peut-être les poils les plus longs que l'on a sur le corps. Et pour parler du cheveu, bah, quoi de mieux que d'aller voir une coiffeuse. C'est ainsi que je me suis rendu à Saint-Étienne, dans un salon qui s'appelle La Blonde aux cheveux noirs. J'y ai rencontré Linda, qui m'a parlé du poil, du cheveu, enfin surtout du cheveu, et de son histoire, de sa... Enfin, vous allez voir, c'est... Pardon. Et surtout entendre. Oui, vous allez surtout entendre, oui, parce que je ne l'ai pas filmé. Oui, non, mais bien sûr. Allez, on va écouter Linda. Même un des plus vieux métiers du monde. C'est notre protection, notre cheveu, c'est le poil, quoi. On attribue le poil aux animaux, mais finalement, l'humain, lui, il dompe ses cheveux pour se distinguer de l'animal, un petit peu. Il dompe sa crinière, il l'embellit, il lui met des huiles, il lui met des choses pour qu'il soit plus soyeux, plus humain. Mais au fond, on est des animaux embellis par nos cheveux. Ouais, il y a le cheveu afro, hein, puis il y a le cheveu européen. Moi, je trouve qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut faire vivre, hein, parce qu'il y en a un qui est plus aéré, qui protège du soleil, et puis il y a le cheveu plus européen, plus lisse, Il vient isoler du froid. Et puis il y a le cheveu métissé et celui-ci, le cheveu texturé, ben c'est pas facile de s'en occuper. Moi, j'ai beaucoup de plaisir dans mon salon à m'occuper des cheveux texturés. J'ai pas les qualités pour m'occuper d'un cheveu afro, parce que c'est un cheveu très particulier. Je sais pas tisser, je sais pas tresser, comme le font nos coiffeuses afro, pour lesquelles j'ai énormément d'admiration, parce que c'est des heures et des heures de travail. Mais c'est aussi un moyen, malheureusement, le tissage, le lissage, de s'assimiler au blanc, de s'assimiler aux cheveux européens. C'est quand même c'est de l'ordre du déterminisme social. Hein. On est avec des cheveux afro, on va avoir du mal à s'en sortir dans ce monde qui est un monde de blanc. Hein. C'est pas évident. Dans l'histoire, par exemple, j'ai beaucoup lu sur les Égyptiens qui considéraient leurs cheveux comme un symbole de statut social, de beauté. Ils mettaient de l'huile de ricin, du lait d'anès. C'était aussi un moyen de se connecter à sa beauté, son cheveu. C'est toujours vrai aujourd'hui, d'ailleurs. C'est un moyen d'expression. Ça nous classe. Ça dit notre appartenance au groupe. Ça dit qui on est. C'est un véhicule de notre identité. Les afros, elles ont toujours voulu camoufler leurs racines. J'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à une BD que j'ai lue il n'y a pas longtemps de Lou Luby qui s'appelle Racine, qui est excellent, hein, qui parle de la manière dont elle a voulu dompter son cheveu et comment elle arrive à s'extraire de ça et à s'émanciper de ça pour aller vers ce qu'elle est vraiment, quoi. C'est merveilleux. Heureusement, voilà, bon, ben, y a des filles comme Angela Davis qui ont dit non, qui ont milité, qui ont dit non, mais en fait, on appartient à la négritude, on appartient à nos racines et il n'est pas question de le cacher. Notre cheveu, c'est aussi un moyen de militer contre ce système blanc qu'on veut nous imposer. Voilà. On résiste. On résiste au modèle blanc, on recouvre son identité à travers ça. Puis il y a aussi, et je le fais parfois, les cheveux rasés. On rase des têtes parce qu'on va avoir des soins en chimiothérapie. Ça nous fait peur de perdre cet apparat, parce que c'est, mine de rien, un apparat de la beauté, et quand on n'a plus, quand on est une femme surtout, et qu'on perd ses cheveux, c'est hyper difficile, très difficile. Et du coup, ça dit qu'on est malade. Voilà, ça dit aussi, dans le passé, qu'on a été déporté. Ça dit aussi qu'on a été esclave. Quand on a la tête rasée, c'est un signal d'un drame qui se passe dans une vie. Puis bon, à l'inverse, t'as les cheveux longs, qui sont un symbole de liberté, de séduction, de fécondité, voire même de folie, de sorcellerie dans la mythologie, voilà. La sorcière, elle a les cheveux tout en vrac, elle a les cheveux qui disent à quel point elle est ailleurs que dans ce système qu'on lui impose. On disait hirsute. Hirsute, avoir les cheveux hirsutes, sortir de sa caverne. C'est être aussi catalogué comme un ermite, comme quelqu'un qui est en dehors du système. Quelqu'un qui est hirsute, c'est quelqu'un qui ne soigne pas ses cheveux, qui ne dit rien de ses cheveux. C'est quelqu'un qui est anti-système, peut-être. On peut se poser la question. Et puis après, voilà, il y a des pans de la religion qui parlent du cheveu. On se couvre, on se découvre les cheveux pour prier. Bon, après, faut quand même pas oublier que Samson, bon, il tirait sa force de ses cheveux. Hein. Il avait la pêche. Hein. Et c'était une puissance pour lui. Ça l'aidait à combattre. Il y a aussi, chez les Amérindiens, des cheveux longs. Ça représente la connexion avec la nature. Hein. Les guerriers, aux cheveux longs, ils étaient très intuitifs. Ils avaient l'impression d'être meilleurs avec leurs cheveux. Ça leur donnait beaucoup d'élan, beaucoup de force et de puissance. Oui. Comme Samson, d'ailleurs, finalement. Voilà, je reviens en arrière parce que les bouddhistes, ils se rasent la tête. Pourquoi ? Pour se détacher des biens matériels. Pour dire, je n'appartiens plus à ce monde matériel. Je suis dans le spirit. Le cheveu, c'est aussi un vecteur d'émancipation totale des biens matériels. Les baladeuses. Dis-moi, Sophia, on est sur le deuxième dialogue et tu ne m'as pas encore expliqué comment il fallait faire pour participer au jeu. Ah bon ? Bah non, ça serait bien que tu en expliques davantage. Bah, pourquoi ce serait à moi de le faire ? Pourquoi pas Julie ? Mais Julie a trop de travail, elle est tellement occupée qu'elle n'est même pas là. Pas tout comme toi qui est là. Bah, et celui qui se cache dans le bureau là-bas, pourquoi Loïc là-bas ? Pourquoi ce serait pas lui là qui expliquerait ? Parce qu'il prépare sa quotidienne, il prépare son émission tous les jours lui, et pas la nuit juste avant l'émission. Mais justement, je n'ai pas eu de nuit hier soir et donc ce matin j'aurais bien voulu dormir. Écoute Sophia, c'est toi qui as voulu faire ces épreuves de jeu avant le jour de l'an, c'est ton programme. C'est plus le moment d'avoir des réticences, on est tout de même en direct. Je sais bien qu'on s'en moque, hein, de mes idées personnelles. Et voilà que tu prends la mouche et te mets en révolte. Tu as les joues rouges, je le vois. Pour ça, tu es comme Brutus à me chercher les poux dans la tête, toujours prête à tout pour remporter la timbale. Sauf votre respect, nous aurions dû profiter de ce dialogue avant le jour de l'an et non à la Saint-Glinglin. Oui, mais si j'avais pas dû faire un aller-retour avant le début de l'émission pour aller rechercher les clés du studio... Que tu avais oublié ? Oui, bah sans cet aller-retour, j'aurais eu le temps de sortir mon porte-plume et de rédiger ma rubrique avec mes plus belles lettres choisies. Au lieu de ça, je cours comme des lapins ou des perdrix qui voudraient échapper à la carabine. Je suis stressé comme si le parrain m'avait mise sous contrat et j'arrive pas à me mettre dans le bain. Eh oui, mais ce jeu alors, c'est pour la trompette, c'est pour des prunes ? Tu prendrais pas les deux auditrices et les auditeurs pour des lapins de 3 semaines par hasard ? Arrête, tu vas vendre la mèche. Révéler le poteau rose. Non, le dialogue doit être dit avec finesse. Sinon, les auditrices les plus rusées comprendront que ce dialogue est à peu près écrit avec les titres des chapitres du roman qu'il faut trouver. Ah bah bravo. Excuse-moi Sophia, mais là t'es vraiment la première des bécasses. Si j'avais de la compote dans la bouche, j'exploserais. Mais pourquoi t'as écrit ça ? C'est sûrement à cause de la taupe. La taupe ? Et pourquoi pas le chien, le chat ou les moutons, les têtards ? Dis donc, t'aurais pas un peu écrit n'importe quoi juste pour épuiser la liste des chapitres ? Tu aurais pu ménager un coup de théâtre. Ouais, bah je voudrais bien t'y voir. Hein. Toi, tu as l'habitude d'écrire des jolies phrases de poésie et tout. Mais moi, j'ai plutôt pris le parti de les lire, les poésies. Alors, va toucher de la luzerne. J'arrête d'écrire. Et toi, va boire l'eau de la fontaine. Vous écoutez toujours les baladeuses sur l'antenne de Radio Audio 89.5. Il est 10h29 et Sophia est allée bouder dans son toiton. Sa tour d'ivoire poussiéreuse, son coffre-fort de plastique où elle passe son temps à ne rien faire, me laissant comme d'habitude me débrouiller à l'aveugle pour trouver le mot de la fin. Je n'aime pas me plaindre auprès des oreilles amies, surtout au micro d'une aussi prestigieuse radio. Mais il faut avouer que depuis qu'elle a arrêté d'écouter les infos sous la douche, Sophia explose la marmite pour un rien. Elle mord à l'hameçon du moindre prétexte pour créer une tempête de feuilles dans un verre d'eau. Il va encore falloir sortir la pioche pour creuser la mie de pain. Je vais demander aux copines. Je vais appeler Mathilde ou Agathe ou Camille. Les seuls lits toujours rêves sont des cas de gare. J'ai loué un placard pour mes robes d'hiver. J'ai tué les parents. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille. Il vit loin de tout, il vit trop loin de moi. Sur le plus haut volcan que l'amour est éteint, il reviendra demain. Oh, je veux partir sur la seule route où il y a du vent. Je suis la jeune fille. Après, voilà, on donne ses cheveux en Inde, par exemple, par dévotion. Voilà, dans les rites, on se débarrasse de ses cheveux longs pour, par humilité. Et après, ils sont récupérés aussi pour en faire des perruques pour les personnes malades. Donc, tout le monde y trouve son compte. C'est une espèce de boucle vertueuse. Et puis, il ne faut pas oublier que les cheveux sont situés sur le chakra couronne, hein, c'est, qui est lié au lâcher prise et à l'équilibre mental. Donc, le cheveu, c'est quand même beaucoup, finalement, quand on y pense. Aujourd'hui, on peut encore se dire que les cheveux, ils agissent comme des antennes, comme des capteurs d'énergie. On laisse pousser ses cheveux pendant une période de transformation de notre vie. On les coupe comme un marqueur du début d'une autre vie. Voilà, c'est très souvent que je reçois des femmes qui ont besoin de changer de coupe de cheveux, parce qu'elles ont besoin de changer de vie. Elles veulent passer à autre chose. Elles veulent laisser le passé derrière et ouvrir un nouveau chapitre, et ça passe par ça aussi. Je trouve ça beau, quoi. Et souvent, elles sont déterminées. Elles ont envie d'y aller, quoi. C'est comme un rite de passage, finalement, passer chez le coiffeur. Voilà. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais le cheveu est utilisé aussi beaucoup dans la police scientifique, en criminologie. Le cheveu, c'est une mémoire. Il garde les substances illicites même parfois. Il y a un monsieur, c'est un scientifique, c'est un gars, je crois qu'il est américain. Il démontre que l'eau qu'on boit contient des éléments qu'on retrouve dans le cheveu. Par exemple, l'eau qu'on boit ou l'eau qu'on cuisine. Eh bien, il y a la présence de ces éléments. Par exemple, il me semble que c'est à Chelsea, on peut retrouver de l'uranium dans l'eau. Eh bien, grâce aux cheveux, on retrouve ce même uranium et on peut tout à fait imaginer que sur un lieu de crime, on retrouve un cheveu. Ce cheveu étant porteur d'uranium, on va pouvoir se dire peut-être que cette personne a bu l'eau de Chelsea, et donc on va pouvoir se dire où est-ce qu'elle a été dans la dernière quinzaine avant d'avoir trouvé ce cheveu. C'est dingue, c'est digne d'un polar, c'est complètement fou. D'ailleurs, je pense que, alors je ne suis pas trop polar, mais je vis avec un homme qui me parle souvent de ce qu'il lit et beaucoup de ses polars, et souvent il y a des cheveux, hein, dans les polars. La police scientifique, c'est un moyen de savoir ce qui a été consommé, même ce qu'on a mangé, on peut le retrouver dans nos cheveux. Hein. J'avais rencontré en Suisse un monsieur qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Le Cheveu. J'étais allée le voir jusque là-bas. C'était assez fascinant de rencontrer ce monsieur qui avait laissé son numéro dans son bouquin. Je l'ai appelé en me disant c'est une blague. C'est pas possible qu'il me réponde. Il m'a répondu. Je lui ai dit que j'étais fascinée par son bouquin. Donc, il était à établir des liens entre le cheveu et notre santé. Et j'ai été le rencontrer. Et il a pris un de mes cheveux assez rapidement dans l'entretien. Et puis, il m'a montré comment il pouvait, au microscope, avec tout un tas de composants, je crois qu'il y avait du bleu de méthylène, etc. Il y avait plein de choses et il était capable de savoir ce que j'avais mangé. D'ailleurs, j'avais mangé des cacahuètes pendant le trajet et il ne l'a pas loupé. Hein. Il m'a dit, mais vous ne mastiquez pas très bien, mademoiselle. On voit des résidus de cacahuètes. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais comment vous avez su ça? Il me dit, bah, c'est écrit là dans votre cheveu. Waouh! Oh, la claque que j'ai prise! C'était hallucinant. Mais bon, le pauvre, tout son bouquin, il a jamais été reconnu par la science. Et je pense qu'il vivait de manière très, très précaire là où il était. Et malheureusement, ouais, c'est dommage parce que ça méritait d'être reconnu. Et son nom, c'est ? Il s'appelle Robert, son nom de famille, Zirmi Robert, je crois. Je ne sais pas s'il est encore de ce monde parce que ça commence à dater un peu. Oui, en fait, on peut voir la santé d'une personne à travers les cheveux. Hein. S'ils sont cassants, s'ils sont mous, peut-être que la personne manque de fer. Voilà, c'est possible en tout cas. Moi, je m'en rends compte au quotidien. Quand je vois des cheveux qui sont fatigués, cassants, pas en forme. C'est aussi des gens qui ne prennent pas beaucoup soin d'eux, de leur santé. Voilà, le cheveu, c'est un petit miracle parce que ça absorbe aussi notre énergie hein, sur le plan spirituel. Elle est là, mais aussi il y a des réelles capacités d'absorption. Moi, je travaille avec Coiffeur Juste. C'est une association de coiffeurs qui récolte les cheveux. Et donc, on récupère tous les cheveux et on les envoie à Brignoles-sur-Mer. Là, il les conditionne dans des chaussettes filtres. C'est un ESAT qui les récupère en plus, donc c'est super. Donc ça fait de l'emploi pour nos personnes handicapées. Et donc, il les conditionne et il les envoie au pied des ports maritimes pour absorber les hydrocarbures. Et donc, ils partent en marée noire avec les cheveux. Ils arrivent à dépolluer les mers et les océans. Et je suis ravie de faire partie de cette boucle. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils en font lorsqu'ils ont absorbé ? Ben, c'est une vraie question parce qu'il y a une réponse. C'est que les cheveux partent en station d'épuration, ils sont lavés et ensuite, ils sont broyés et ils deviennent de la fibre pour le bâtiment, figure-toi. Ouais. C'est fascinant. Mais oui. Voilà, en tout cas, il y a plein de choses à dire sur les cheveux, mais moi, je suis ravie de faire ce métier. Je trouve qu'on a des échanges incroyables chaque jour. Il y a toujours une histoire, il y a toujours un changement de vie, il y a toujours un besoin de s'ancrer dans quelque chose. On fait des transformations de tête, on passe du long au court, on change de couleur. C'est un lien social qui est très fort et très puissant. On vous balade, on vous éclaire, on vous caresse le cerveau et le cœur. Vous écoutez les baladeuses. sur Radio Dio 89.5. Mais Sophia, t'as du mal à passer la porte là, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est parce que j'ai essayé une nouvelle perruque là, alors du coup... Attends, parce que si je me mets à genoux, peut-être que je vais réussir à passer, je sais pas. Ça fait quand même au moins 70 cm là, ce truc que t'as sur la tête. C'est pas Léonard Alexis Autier qui te l'a fait, cette perruque? Si, me semble, hein, je crois reconnaître son style. Ah oui, c'était le coiffeur de Marie-Antoinette, alors bon, il n'a pas énormément duré. Mais en 1768-1769, il y a eu une guerre entre les perruquiers et les coiffeurs, apparemment assez retorse. 1450, épilation du front et des sourcils. 1750, maquillage de la paupière inférieure. 1830, usage de la belladone. 1863, Baudelaire écrit éloge du maquillage. Dès le XVe siècle, une grande attention fut portée au front ainsi qu'aux sourcils afin de magnifier le regard des femmes. De nombreuses recettes dépilatoires à base de sang de chauve-souris ou de grenouille, malaxées avec du suc de rave, sont imaginées afin de dégager le front en reculant l'implantation des cheveux. Sourcils et cils disparaissent souvent, donnant au portrait glabre des dames de l'époque une étrange intensité. À la Renaissance, qui se préoccupe beaucoup de proportions idéales du visage et des effets de symétrie, il est encore question du tracé des sourcils. Ainsi, Jean Liébault, dans ses 3 livres de l'embellissement et ornement du corps humain, décrète « La beauté des sourcils est, qu'ils soient noirs comme l'ébène, subtils, déliés, courts, rares, molles comme si c'était fine soie, plus épais au milieu, plus rares et diminuant de leur milieu vers les extrémités. » En Italie, l'altissimo est aussi impératif. Tu dois avoir le front clair, les cils nets comme tracés au pinceau, semblable à 2 arches de pont, noirs comme le corbeau. Puis, sous l'Ancien Régime, la sublimation du regard se fera grâce à 2 adjuvants, le rouge vermillon étalé sous la paupière inférieure, afin d'en relever la brillance, et la mouche de taffetas noir placée au coin de l'œil, dite assassine, qui lui confère du piquant. L'expressivité du regard passionnera le siècle des Lumières et la sensibilité pré-romantique s'en enchantera. Peintres et romanciers louent la beauté des larmes, les regards touchants des orphelines, la candeur des yeux des jeunes filles. L'on s'éloigne des ruses des coquettes, de leurs œillades appuyées du temps des fêtes galantes. Yeux cernés de noir, regards sombres et mélancoliques. Le romantisme célèbre la profondeur du regard, véritable miroir de l'âme. Si fureur et tourment ne sont pas au rendez-vous, les femmes adoptent la belladone qui leur donne un regard exalté. De l'italien belladonna, la belladone, plante très toxique, augmentait en effet le diamètre de la pupille, un secret déjà connu des Florentines. Cette pratique donnait aux Parisiennes une allure particulière. Dans son éloge du maquillage, Charles Baudelaire revendique les beautés de l'artifice. Pour lui, le rouge et le noir représentent la vie, une vie surnaturelle et excessive. Ce cadre noir rend le regard plus profond et plus singulier, donne à l'œil une apparence plus décidée de fenêtre ouverte sur l'infini. Ce faisant, Baudelaire prend radicalement à contre-pied l'ère bourgeoise, où les regards noircis étaient le seul fait des femmes de mauvaise vie, actrices, lorettes, courtisanes. Pour les femmes du monde, comme pour les jeunes filles, n'était autorisé que l'usage d'un peu de brillantine sur les sourcils, afin de les rendre luisants, ou de liège brûlé à la bougie, pour les assombrir légèrement. Pour finir avec une pomme. se mordre les lèvres devant la glace pour en arracher le moindre poil qui dépasse 70 ans à défiler dans la rue pour se retrouver dans un institut à payer 20 balles par carte s'il vous plaît pour se faire épiler le sillon interfécié à poil. Juliette, mais pourquoi tu m'as attachée ? Parce que nous sommes à la troisième épreuve et que tu n'as toujours pas révélé comment participer, ni ce qu'il y avait à gagner dans ce jeu. Ça fait deux fois que tu te débines et l'émission Les Baladeuses termine à 11h30 tous les quatre mercredis du mois. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? D'ailleurs, il est où le magot ? Le magot ? La cagnotte, la récompense, le trésor censé être retrouvé grâce à la résolution des énigmes de la quête. Dis-moi où il est et je te détache. Mais enfin, Juliette, détache-moi. Tu t'imagines bien que je n'ai toujours pas... Écoute-moi, Sophia. À partir de maintenant, c'est moi qui suis aux manettes. Caprice ? Et dorénavant, tu t'adresseras à moi. Non, mais Sophia, je ne vais quand même pas lire ça à l'antenne. Hein. Bah, c'est que je n'ai rien écrit d'autre, moi. Et puis, il faut bien que je trouve un dialogue qui soit dans le thème du roman pour que ce dialogue permette à l'auditeur de retrouver son titre et son auteur. Mais il n'a jamais été question de donner l'auteur des romans dans les réponses. Hein ? Ah si, je l'ai dit. À chaque fois. Il suffit de relire le texte de tout à l'heure. Tiens, regarde. Jeu 1, page 2, je cite. 2. Ouvrez les guillemets. Sophia, 2. Tiret. Oui, j'y vais. Blablabla. Bla, bla, bla. Ah, là. Puisqu'il s'agit de deviner le titre d'un roman et son auteur. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. Fermez les guillemets. Tu vois, de toute façon, si tu ne me crois pas, il suffira d'écouter le podcast sur le site https://radioaudio.radioaudio tout attaché et en tout petit, hein, .org. Oh, j'aime bien dire org. Ouais, dis donc, tiens-toi tranquille un peu, il y a des gens qui nous écoutent. D'ailleurs, à ce propos, bon, Juliette, détache-moi. Je t'ai dit qu'il n'était pas question que je lise ça ici à 7h, un mercredi matin. Il y a des enfants qui peuvent écouter. Ah oui, je vois. Alors, retour à l'ORTF, hein. La protection de l'enfance pour couvrir la censure à la papa. Hein. Comme pour le bouquin d'ailleurs qui a été oublié dès la mort de son auteur alors qu'il a connu un succès européen dès sa sortie. Bon. Après, comme il a été brûlé par les nazis, le livre, hein, le livre, pas l'auteur. Ah oui, parce que l'auteur est mort bien avant l'histoire des nazis. Hein. Mais bon, le bouquin, lui, il est resté longtemps interdit. Enfin, pas interdit, mais oublié en tout cas. Sauf en psychiatrie, mais là j'en ai trop dit. Zut. Bon, mais quel rapport avec le thème de l'émission ? On n'allait quand même pas faire du moins 18 dans les baladeuses. Mais... Bien sûr que non, j'en suis resté à quelque chose de soft quand même. Et puis j'avais mis une petite référence à une déesse de la mythologie, comme tu les aimes bien. Hein ? En plus, ce bouquin, il est mondialement connu, c'est-à-dire que tout le monde le connaît, mais mal. Et donc, toi, tu décides d'écrire un dialogue qui appuie sur son aspect le plus caricaturalement sulfureux, au lieu de t'attacher à l'aspect poétique et assez révolutionnaire du roman ? C'est ton choix. Mais mon choix, moi, c'est de ne pas le lire. C'est comme ça. Bah, je vois. Tu me conseilles. Je prends note. J'ai pas proposé d'en faire un film non plus. Hein. Et pourtant, il y en a un qui l'a fait. Et il aurait bien fait de s'abstenir. Comme il devrait s'abstenir de tout, d'ailleurs. Non, j'ai juste écrit un petit dialogue radiophonique de rien du tout. Oui, mais tu l'as fait sans mon consentement. Et surtout, tu ne sais pas quelles oreilles se trouvent de l'autre côté du micro, hein, donc désolé. Hein. Ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ben, et tu vas où ? Ben, fumer sur le balcon. Tu peux pas, t'es attaché. Ah oui, c'est vrai. Flûte. Alors là, c'était la troisième petit dialogue. Alors, je sais pas si ce sera clair. Et pour tous les auditeurs et les auditrices, vous pouvez réécouter le podcast sur le site hein, radioduo.org pour réécouter le podcast des baladeuses. Et essayer de trouver donc vraiment trois romans à travers les dialogues que j'ai, qu'on a dit là avec Juliette. Oui, ça sera paru dans radioduo.org, les baladeuses du coup. Oui, les baladeuses. Tous nos anciens podcasts et puis bah, celui-ci quand il sera prêt. Et si par hasard vous avez une idée des romans et des auteurs que j'ai plus ou moins... voilà, fait allusion dans ces petits textes, et ben vous pouvez écrire à une adresse mail qu'il y aura dans la description du podcast et vous envoyez vos réponses. Et puis si vous avez trouvé les bonnes réponses, ben vous gagnerez un paquet de bonbons. Voilà. Voilà. Alors moi, je vais continuer une petite lecture, ça s'appelle « Miroir, mon beau miroir », une histoire de la beauté. Et évidemment, toutes les références des livres dont on aura lu des extraits se retrouvera sur la page du podcast des baladeuses de mars 2025. Alors très tôt... 26 ans. Ah oui, pourquoi 20... Ah oui, parce qu'on est le 25 mars, pardon, 25 mars 2026. On est en 2026. Oui, mars 2026, c'est ça. Oui. Bon, arrête ou je t'attache encore. Non, mais c'est pas vrai, il n'est pas du tout attaché, il est derrière les manettes, là, il s'amuse comme une petite folle, et voilà. Donc, je disais, très tôt, la langue grecque dissocie l'art de la toilette, qui désigne l'art de la parure, bijoux, vêtements, coiffure, l'hygiène, les techniques médicales, de l'art du phare. La cosmétique est une science qui fait partie de la médecine. Alors ça, on est chez les Grecs, hein, on est d'accord, hein, dans l'Antiquité, dont le but est la préservation du naturel physique. Dans l'éducation grecque, la gymnastique, en sculptant et en ciselant les muscles, associée au massage d'huile parfumée, aux soins des cheveux et de la barbe, suffit à rendre beau naturellement. Le phare relève du simulacre, du mensonge et de l'illusion. Il ne donne qu'une beauté éphémère, inauthentique et insignifiante. Pourtant, la mode barbare impose à Athènes les attraits d'une lourde cosmétique. Le blanc de céruse ou le carbonate de plomb, le plâtre, la craie recouvrent les visages des femmes. L'unité chromatique du blanc est rompue par du fucos, de l'orcanète ou du miltos, phare, rouge, végétaux ou minéraux. Ceux-ci s'appliquent sur les joues en dégradé mélangé au blanc. La mûre, la figue d'Égypte ou la ronce écrasée offrent également une palette de camaïeux de rouge. Les yeux sont peints au safran ou à la cendre, les cils et les sourcils noircis à l'antimoine ou brillantinés d'un mélange de blanc d'œuf et de gomme ammoniaque. Le sourcil grec, réunion des deux sourcils en un seul, s'obtient par un dessin au phare. Alors un peu plus tard à la Renaissance... Où voilà, on a un modèle idéal en fait. Voilà, donc la distance, par exemple, la distance verticale entre le bas du menton et l'horizontale des narines sera égale à un tiers de la hauteur de la figure. De même, la distance entre les lignes des narines et celle des sourcils sera en proportion identique à celle entre la ligne supérieure des sourcils et la racine des cheveux. Quand elle n'est pas géométrique, la beauté s'ordonne en proportion, en série mathématique et symbolique qui découpe le corps des pieds à la tête. La dame doit posséder trois choses blanches, la peau, les dents, les mains. Trois choses rouges, les lèvres, les joues, les ongles. trois choses noires, les yeux, les sourcils et les cils. Et se conformer aux 7, 9 ou 33 canons du corps idéal. Eh ben dis donc, on n'était pas rendu à l'époque. Hein, devant son miroir, on devait y rester un petit moment avec un décimètre, j'imagine, ou double décimètre. Alors, un peu plus tard, on a eu donc en 1806, dans La Toilette des Dames, le docteur Caron, qui affirme que la beauté s'acquiert de l'intérieur en mangeant du pain d'orge qui rend la peau pâle, en buvant de l'infusion d'hysope qui draine le foie ou de l'eau de vipère qui purge les humeurs nuisibles. Lui, il préfère les cosmétiques mucilagineux, doux, suaves, laissant la peau lisse et fraîche, et frappe d'anathème tous les fards toxiques et minéraux. Tout au plus autorise-t-il les rouges végétaux, mais avec parcimonie. Sous un premier empire vaporeux, les belles sont fraîches et immaculées. Pourtant, Napoléon, sensible à la pâleur de Joséphine, lui enjoindra « Mettez du rouge, madame, vous avez l'air d'un cadavre ». Ce courant naturel cède le pas au courant romantique qui, en exaltant les turbulences du cœur, les ivresses passionnées, les larmes, crée une nouvelle cosmétique propre à magnifier son imaginaire. Celle de la maladie. Dès 1830, il est de mode d'être défait et pâle comme un mourant, d'avoir le teint plombé ou les joues creuses, parce que cela donne l'air distingué, artistique, écrit encore le docteur Aubert dans « Hygiène des femmes nerveuses » en 1841. Le visage se pare de couleurs jaunâtres, bleuâtres, verdâtres. Pour maigrir, les femmes ne boivent que du vinaigre, ne mangent que des citrons et lisent tard la nuit pour se cerner les yeux. L'idéal séraphique bat son plein. Pâleur spectrale, yeux sombres et profonds, pareils à des puits d'ombre. C'est le temps des brunes aux yeux agrandis par la belladone ou l'atropine. Cinq minutes avec Anna, la baladeuse européenne. Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous. Alors, le sujet au poil tombe justement au poil. Quand je pense au sujet au poil, c'est celui des animaux qui me vient tout de suite. Donc, celui qu'on ressent sous ses doigts, celui qui nous permet de nous protéger du froid. Et dans mon voyage, surtout en Norvège et en Suède, le poil est partout. Je vis donc avec des chiens traîneaux groenlandais depuis maintenant quelques mois et on a vécu ensemble des températures assez extrêmes, descendant jusqu'à moins 40. Et là, on comprend vraiment le sens du poil. C'est une question de survie dans ces pays-là. Leur fourrure est dense, isolante, parfaitement adaptée. Ils dorment dans la neige, enroulés sur eux-mêmes et ils sont bien. Et moi, de mon côté, j'essaye de faire pareil avec mes couches de laine, mes gants et mon bonnet. Mais au poil, pour moi, ça va bien au-delà. C'est aussi quelque chose qui tombe juste. Et dans ma vie, il y a quelqu'un qui est arrivé au poil, et bien c'est Meika. C'est elle qui m'a poussée à faire ce voyage, à ralentir, à prendre le temps, à passer plus de 5 mois dans les pays nordiques, au milieu de la lumière rasante et des sapins enneigés. Cette petite boule de poils blanche m'a donné la force d'aller au bout de ce projet, de monter jusqu'au cercle polaire, d'être proche de ses origines. Avec elle, je ne suis jamais vraiment seule. Et surtout, mon voyage est complètement différent, plus authentique. Plus de rencontres, plus d'échanges avec des locaux, plus de moments partagés. Et pour moi, c'est tout simplement plus de bonheur. En Norvège comme en Suède, Meika a su s'adapter à tout. Elle s'est intégrée à la meute naturellement. Elle a trouvé sa place sans effort. Et moi, je me rends compte que j'ai fait pareil. Grâce à elle, j'ai aussi réalisé l'un de mes rêves, vivre une expérience de guide nature de chien traîneau. Et ça, c'était vraiment un moment qui tombait au poil. Donc le fait d'être en traîneau au milieu des montagnes, sans personne autour, courir après la lumière rasante du coucher du soleil, dans la neige, c'est vraiment un sentiment de liberté et de joie qu'on ressent très rarement et qui est vraiment très très fort. On est concentré sur les chiens, sur la trajectoire, mais en même temps, on observe tout. Les oiseaux, un élan au loin, un chevreuil qui traverse quelques secondes. Et le silence est juste rythmé par le souffle des chiens, le bruit de la neige sous le traîneau et le vent dans leur pelage. C'est presque une méditation, un moment suspendu où je me sens complètement vivante. Et c'est souvent dans ces moments-là que tout devient plus clair. Je me sens vraiment alignée, inspirée, et c'est assez étonnant, mais de nouveaux projets émergent naturellement. Le haut poil, c'est aussi ces moments où tout fait sens, sans qu'on ait besoin de forcer. Aujourd'hui, mon expérience en Suède touche à sa fin, et dans quelques jours, je vais rentrer en France. Et je sais que ça va être un moment fort pour Maïka, mais pour moi aussi, de quitter notre meute. Donc voilà, ça va faire un petit peu bizarre, mais on s'y prépare. Je ne sais pas trop de quoi sera fait les prochains mois, mais une chose est sûre, je veux continuer à partager ma vie avec elle, avec Maïka. Le sport, le traîneau, les voyages, les futurs projets, on sera toujours toutes les deux ensemble. Parce qu'au fond, au poil, ce n'est pas la perfection, mais c'est quand tout est juste, quand tout s'aligne, même dans le froid, même dans l'inconnu. Alors, merci Maïka, merci d'être tombée au poil dans ma vie, parce qu'elle est tellement plus belle grâce à toi. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, et je vous dis à bientôt. We'll be right back.

Diplomatie. Il ne sera pas dit que je me serais fait une ennemie dès le premier jour du collège. J'entends les murmures de la petite bande dans ma tête. Il joue le jeu. Ouf. Somme toute banale, non ? Une rentrée semblable à une autre. À part que mes habitants aussi faisaient leur rentrée. Après m'avoir bassiné tout l'été, du matin au soir, voilà qu'ils mettaient un peu de discipline dans leurs interventions. Je ne connaissais pas bien Féroce et Ombre, arrivés tous les deux il y a quelques mois à peine. Ils sont bien plus matures que les autres. Je crois qu'ils ont une très bonne influence sur la bande. Pierrot est un chien fou. Pimprenelle, une chouineuse de première. Catherine et Joseph, deux garnements toujours prêts à souffler les pires bêtises. Féroce et Ombre me resserrent tout ça d'un peu près. Ma petite bande. Les voilà au complet. J'espère. Je vais redouter mes 13, mes 15 ans. Et si ça ne s'arrête jamais plus, s'il en arrive une dizaine en une fois, comment je vais faire? Il ne m'en faut pas plus, pas un de plus. Parfois, je voudrais tout éteindre là-haut et dormir. Dormir. Je suis une ville à moi toute seule. On vient d'entendre l'épisode 2 de la fiction radio La Petite Bande, où je n'en ai pas fini avec la folie. Fiction en 5 épisodes, chaque mois sur les baladeuses, jusqu'à juin. On a entendu Maude Thérillon dans le rôle de Rosette et ses voix, avec une musique originale de Benoît Cancoin, des effets sonores et un mixage par Jean-François Mingard, et au texte et à la réalisation, Juliette Pargès. C'est une création de la compagnie Des Nouvelles des Vivants. Et on arrive au terme de l'émission, là, on dirait. On va être obligé de se revoir là, le mois prochain, mais il y a avant l'agenda. J'ai pas mis le générique. L'agenda. L'agenda des baladeuses. Bon, alors on avait dit attends, parce que jeudi, moi, je peux pas. Non, mais... Vendredi. Mercredi, moi, c'est vendredi. Non, mais 13 pas le matin. Moi, non, bah, oui, 13h, ça va, mais pas avant 8h. Ah non, pas le week-end. Pas le week-end. Je sais pas, on va voir. Bah, le théâtre, c'est bien. Il y avait pas une danse à voir, enfin... Et sinon, lundi soir, vous faites quoi? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ce mois-ci? Et jusqu'en avril, comment on va occuper nos soirées, Juliette ? Oui, alors on va déjà être très très proche de nous, c'est-à-dire demain soir, les jours à venir. Alors au choc avec moi, Antonin Artaud, j'ai donc à dire à la société qu'elle est une pute et une pute salement armée, par la compagnie Electrochoc avec Alain Besset. Qui était hier sur l'antenne d'ailleurs, oui, Alain Besset. C'est ça, et donc ça sera joué le 27 mars à 20h et le 29, donc dimanche, à 17h. Et il semblerait que cela soit la dernière. Oui, alors est-ce que ça va être réellement la dernière? Moi, j'y crois pas trop. Mais n'empêche que si vous voulez voir, parce que c'est un spectacle qu'Alain Besset interprète depuis des années, et c'est une excellente performance d'acteur. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Je l'ai vu, moi, combien de fois je l'ai vu ? 4 fois, 5 fois. Et là, c'est la dernière. Alors, N'hésitez plus. Ah ouais, n'hésitez plus. C'est le dernier moment. C'est la dernière fois que vous aurez l'occasion de voir Antonin Artaud sur scène. Et alors, en même moment au Verso, donc demain soir, jeudi 26, vendredi et dimanche à 16h30, on a un spectacle qui s'appelle Époque de plomb. Et c'est un concert de poèmes et polyphonie qui dure 50 minutes par la compagnie La Foisonnante. Ensuite, un peu plus tard, en avril, on aura un spectacle jeune public de la compagnie Kairos Théâtre, Moi, mon ombre, 1er avril. La compagnie Kairos Théâtre, il n'y aurait pas une certaine Maud Thérion? Ah oui, mais bien sûr, il y a Maud. Donc c'est quand? 1er avril, donc c'est un mercredi à 14h et le 5, le dimanche, à 16h30. C'est un très très beau spectacle, très beau spectacle pour les enfants. Spectacle d'ombre, emmenez vos petits et vos grands. Et vos grands aussi, oui. Et alors toujours au Choc, on aura Les Petits Monstres, 7, 8, 9 avril à 14h30. Donc c'est un spectacle jeune public également. Voilà, c'est pendant la période des vacances, je crois. Bah oui, ça sent les vacances tout ça. Hein. C'est ça, et ça sera tout. Ce sera tout pour l'agenda. Sinon, on va aller trop loin, il y a trop de choses. Voilà. Et puis, on se retrouve au mois d'avril. Est-ce qu'on annonce le thème de l'émission? Alors, on le fait jamais. Bon. Ça sera le 22 avril. Bon, alors d'accord. On le fait jamais parce que comme ça, oui, si on veut changer, on peut changer. Entre-temps, on peut changer, d'accord. Ok, bon, bah, alors, bah, merci à tous. Alors, on retrouve toutes les infos, hein, que ce soit les musiques, les extraits de livres, le feuilleton... En tout cas, le lien pour aller écouter le premier épisode et réécouter ce deuxième, peut-être. Donc, sur le site des Nouvelles des Vivants, mais il y aura l'adresse sur la page du podcast. Sur la page du podcast. Radio-Dio, les baladeuses. Et puis, si toutefois vous avez eu des idées par rapport au roman et aux auteurs évoqués subtilement dans les dialogues faits avec Juliette. C'était bien fait, hein, quand même. Eh bien, n'hésitez pas, il y aura aussi une adresse mail à laquelle vous pourrez adresser vos réponses. Et ben, voilà, il y aura un petit lot à gagner, à venir chercher à la radio au mois prochain. Voilà. Allez, ben, au revoir à tous. Merci de votre écoute. Et on envoie le générique au mois prochain. À bientôt. Attention, attention, nous arrivons en gare des baladeuses de 10h à 11h30, le quatrième mercredi du mois sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant. On the move, can't seem to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep.